Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es cassé la jambe? Comment est-ce que t'as fait ça? Comme tout le monde, en faisant du ski. Tu vois, moi, je me suis blessé en faisant du jardinage, le week-end dernier. C'est toujours la même chose. En voulant aller trop vite, on devient maladroit et paf! Pour moi, c'est le contraire. En cherchant à éviter un skieur qui était tombé au milieu de la piste, j'ai heurté un rocher et en tombant, je me suis cassé la jambe.